Le camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec ceux qui ont contribué à la réussite au lancement d'essai de l'engin balistique de sous-marin stratégique en plongée. Y étaient présents les cadres responsables du parti et de l'armée. Avant de se faire photographier avec eux, le maréchal Kim Jong-un a félicité chaleureusement les scientifiques, techniciens, ouvriers et cadres du secteur de l'industrie de guerre pour avoir réussi avec la fidélité infinie envers le parti, la volonté indomptable et par la lutte menée à outrance au lancement d'essais de missiles balistiques en plongée d'une étape plus élevée dans un court laps de temps pour ainsi marquer un progrès militaire important dans le perfectionnement technique de nos forces armées nucléaires. Il a exprimé la certitude qu'ils feront preuve sans réserve de leur force d'esprit inflexible et de leur capacité inépuisable afin de consolider encore plus l'arsenal de la révolution de Sungun et rempliront à merveille leur mission pour faire briller notre pays comme puissance militaire sans rivale et puissance des fusées.